l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Les pièces pour Oscar de au dépôt là. Si, au dépôt là. À la nouveau. On a reçu un nouveau là. À la forge des lumières. La forge des lumières là. On a reçu Carpadou, on a reçu le premier Oscaron, mais pas le deuxième Oscaron. Mmh. Des joints. Hein? Un petit joint neuf. On n'a pas les mails là. On ne peut pas aller sur les mails voir ça. Alors comment on devient garagiste dans un garage solidaire? Après de longues années de pratique, un peu partout, dans tous les métiers, on rencontre des associations écologistes sur l'éco-construction. On rencontre des rapports avec l'économie sociale et solidaire. Et on a plus envie de travailler dans une concession, dans un grand garage concessionnaire. Et, du coup, on se retrouve par relation dans un garage associatif. Voilà. C'est des contraintes, non? C'est pas pareil que d'être garagiste. C'est une autre contrainte. Il y a trop de liberté ici. Donc du coup, c'est assez compliqué d'avoir beaucoup de liberté dans la société actuelle. Donc, voilà, j'ai un statut d'auto-entrepreneur et je répare les voitures ici dans ce garage associatif. Je donne des idées un peu à tout le monde. J'en vends aussi, ce qui me permet d'acheter des sandwichs. C'est quoi cette réparation là? Là, on fait une vidange là, juste. Ah, ouais. Une vidange et voilà, regarder un peu tout. Tout ce qui ne va pas sur la voiture. Et apparemment, elle fait des ratés, là, et il a eu un diagnostic du concessionnaire. Et on verra, d'après le papier, d'après le devis, quoi, ce qu'on fait comme travaux dessus, si on les fait ou si on ne les fait pas, pour le moment. Mais il y aura peut-être des pièces électriques à changer. On verra ça. Voilà. Et c'est, l'adhérent arrive, c'est sa première venue au garage. C'est la première fois que tu viens dans un garage associatif? Oui, c'est la première fois, ouais. T'as pas fait dans des... Il y a des garages maintenant, il y a des garages qui ouvrent leurs portes aussi. On peut pas savoir tout faire, je pense, parce que là, c'est tellement spécialisé que tout est de plus en plus spécialisé, on est de plus en plus rapide dans le travail. Écrire sur le cahier les lettres. Tu m'enregistres en train de faire la liste des choses que j'ai à faire aujourd'hui. Mmh. La déchette demain. Ouais. Salut Mathieu. T'as payé, hein? Ouais, justement, on déroule ma frite. Donc ici, il y en a un à Ramonville, à côté de Toulouse. Mais ouais. En France, il n'y en a pas tant que ça, au final. Je sais pas, une trentaine, je sais plus. Je sais que nous, on en a en Ariège, des copains. Il y a dans le Tarn, je crois, il y a un truc qui se monte. Mais après, il y a un réseau sur le site Roule ma frite. Ils sont tous répertoriés, il me semble. Mais non, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, de toute manière, c'est pas... Les constructeurs de voitures ne fabriquent pas de voitures qui roulent à l'huile. Enfin, en tout cas, qui sont supposés rouler à l'huile et qui sont faites pour ça. Donc, on continue de nous pondre des voitures électriques neuves et à mettre des primes à la casse de 4000 euros pour faire partir toutes les vieilles voitures à la casse. Alors que nous, les vieilles voitures qu'on fait durer, ben, c'est un circuit court, quoi. Tous les compétences sont ici. Les pièces qu'on remplace sont ici dans les casses. Donc en fait, c'est 10 fois plus écolo que de faire une voiture neuve électrique. Nucléaire, voilà, parce que soi-disant électrique est propre, quoi, mais... voilà. Et du coup, justement, là, il y a un adhérent, futur adhérent, qui a roulé à l'huile pendant un certain temps, et il se posait la question, est-ce que c'est légal? Non. Moi, j'ai jamais retenu ça. En fait, au niveau de l'Europe, c'est légal, mais au niveau de la France, c'est légal, parce que Total, c'est français. Du coup, ils préfèrent payer des amendes à la communauté européenne qu'on roule à l'huile. En Allemagne, tu peux rouler à l'huile, tu as les moteurs, ils sont faits pour. Ouais, là, ouais. En Belgique aussi, non? Ouais. Non, mais Total, c'est français. C'est pas arrivé qu'on roule à l'huile. C'est quoi? Ils crèveront la planète avant qu'on roule à l'huile. Donc il y a plein d'huile à réutiliser pour mettre dans nos moteurs. Il n'y a pas assez de roule ma frite en fait qui existe en France. On pourrait en créer encore pas mal un peu partout. Ouais, de roule ma frite et puis aussi des CAP où les gens sont formés pour réparer les voitures qui tournent à l'huile, arrêter de faire partir les véhicules diesel à la casse parce que c'est eux qui tournent à l'huile, confectionner des nouveaux moteurs qui sont plus faits pour l'huile, faire en sorte que l'installation de kits bicarburation ça soit plus courant, quoi, pour que nous on n'ait pas à courir après les bénévoles qui ont ces capacités là, que ces bénévoles là n'aient pas à courir derrière le temps pour être bénévole en dehors de leurs heures de taf, pour pouvoir mettre ça en place. En fait, faire en sorte que ça soit un circuit qui existe, quoi. Pas juste qui survit de manière alternative, dans son coin. Ouais. Alors que ça fonctionne, quoi. Alors qu'on pourrait produire ici dans la région, en plus en Midi-Pie, on en fait du tournesol, on pourrait produire l'huile, l'utiliser en friture dans les restos, la récupérer, la faire tourner dans nos véhicules. En termes de circuit court, c'est quand même assez chouette. Même si, bon, peut-être qu'effectivement, la culture du tournesol serait à revoir pour qu'elle soit encore un peu plus clean, quoi, mais ça existe que si c'est pas nous, bénévoles 40 heures par semaine, qui faisons tout, quoi. On a besoin des élus, on a besoin qu'on forme nos ingénieurs à arrêter de faire du nucléaire, on a besoin que ça soit toutes les étapes, quoi, du processus, que ça marche comme ça. Et pour l'instant, c'est pas ça, quoi. Nous, là, on cherche à avoir des subventions. Moi, j'ai regardé les subventions de la région. Elles sont complètement grillagées pour être pour des start-up, pour des clusters. Parce que c'est pour des grandes entreprises, quoi. Elles ne sont pas faites pour nous. C'est tout un jeu de vocabulaire. On n'est pas du tout... On n'existe pas dans ce jeu-là, quoi. Donc, du coup, pourtant, la région est soi-disant écolo, etc. Mais toutes les subventions qui existent, c'est pour payer un conseiller pour qu'il t'explique comment rendre ton entreprise plus écolo. Moi, je préférerais que la mairie de Ramonville nous paye pour qu'on leur explique comment être plus écolo. Mais ça n'existe pas encore. Donc bon. Et du coup, le fait d'être mécanicien dans un garage solidaire, ça te permet peut-être d'avoir, tu disais, plus de liberté, mais justement d'aller à ton rythme? Oui, aussi, oui. Au rythme de l'évolution des voitures, hein, et de la place qu'on a sous le capot. Pourtant, vous êtes dans le concret au niveau technologique. Oui, et puis on n'a pas besoin, de nouveaux objets. Enfin, si, nous, on aimerait bien avoir une valise électronique ici, mais ça coûte trop cher pour nous. Mais c'est quoi ça? C'est pour faire les tests? Ouais, c'est sur toutes les nouvelles bagnoles, maintenant tout électronique, et du coup, t'as besoin de dialoguer avec le tableau de bord pour expliquer les réparations que t'as faites, ou ce genre de choses. Du coup, nous, parfois, bon, on a quand même beaucoup de vieux véhicules qui n'ont pas besoin de ça, mais on a quelques véhicules qui sont pas si récents que ça, mais qui ont besoin d'une valise, et donc on va faire la réparation, et le véhicule va pas redémarrer, parce qu'il n'y a pas eu le dialogue avec la valise électronique qui... Et en fait, ça fait partie des trucs qui contraignent complètement, en fait, parce que ça fait que ce genre de bagnole, elle est obligée de passer par un concessionnaire, si elle veut pouvoir être allumée. Donc ça fait que nous, en tant que petit garage indépendant, ben, on est juste bloqué. Et donc, on se retrouve avec des adhérents. La réparation a été faite. Leur voiture fonctionne, mais ne redémarre pas parce que nous, on n'a pas la valise électronique qui permettrait de rallumer la voiture, quoi. Et alors, justement, les questions d'électronique, ça empêche de faire pas mal d'autoréparations aujourd'hui. Oui. On va de plus en plus vers ça. Donc, beaucoup de sondes, beaucoup de contrôles électroniques, qui passent par le calculateur, et ça bloque un peu le fonctionnement simple du moteur, quoi. Est-ce que pour toi, c'est une forme, tu vois, on parle beaucoup d'obsolescence, c'est une forme d'obsolescence, quelque part? Ça fait partie du confort, premièrement. Ça fait partie du fonctionnement de l'antipollution, des normes d'antipollution. Ça fait partie du rendement du moteur. Tout ça, c'est lié à une obsolescence, mais il y a quand même un perfectionnement du moteur qui oblige de passer par toute cette électronique, quoi. Ouais. Les voitures d'aujourd'hui polluent différemment de celles des années 70, quoi. Voilà. C'est pas les mêmes gaz d'échappement. Alors différemment, plus ou moins? Plus, bien sûr, plus. Évidemment. Elles polluent plus aujourd'hui? Elles polluent plus parce qu'elles sont déjà plus lourdes en électronique embarquée. Elles ont beaucoup de recherches, il y a beaucoup plus de recherches de développement dessus. Il y a avant on ne parlait pas des NOx, aujourd'hui il y a des nouveaux gaz d'échappement qui sont traités. Bon, alors, C'est le rendement du moteur qui a fait que ces gaz existent aujourd'hui. Quoi. On croit qu'on pollue moins, mais on pollue plus. Oui. On dit ça. La preuve, c'est que Volkswagen a bien trafiqué ses logiciels pour arriver à dire que ça ne pollue pas. Donc, et qui impose ces normes? C'est un gouvernement qui certainement doit être en rapport avec les constructeurs pour arriver à dire qu'il faut des nouvelles voitures moins polluantes, mais... bon, on va dire qu'il y a moins d'imbrûlés dans ces moteurs. On va dire qu'il y a moins d'imbrûlés. Mais ces imbrûlés, cette combustion a créé des nouveaux gaz. Bon, on n'en parlait pas avant. Je sais pas. Je ne peux pas en dire plus. Quoi. Voilà. Alors du coup, ça veut dire que l'électronique sur les voitures, c'est carrément fait pour limiter l'autoréparation? Je sais pas si j'aurais la bonne réponse à cette question, parce que moi je le vois de mon point de vue, où ma seule volonté c'est de rendre les gens plus autonomes, et je sais qu'on a un bénévole ici qui travaille dans le technique, dans la technologie, et pour qui effectivement quand même l'électronique permet quand même de moins consommer, de faire une consommation plus intelligente. Enfin, il y a un intérêt à cette technologie, mais oui, ça aussi, ça fait des compétences de plus en plus compliquées, de plus en plus diffuses. Enfin, ça fait beaucoup de mécanos qui savent pas, quoi. Qui savent pas. Ils sont mécaniciens, ils sont pas. Donc oui, nous, ça nous contraint. En tout cas, cette histoire de valise électronique, je trouve que c'est vraiment fait pour que ça passe par les concessionnaires, quoi. Et il y a plein de choses. Nous, on s'est rendu compte aussi pour les contrôles techniques. Il y a des contrôles techniques, quand on leur dit qu'on a un garage, ils disent « Ah ben, il fallait nous le dire plus tôt, on aurait passé la voiture plus facilement ». C'est-à-dire qu'ils nous font comprendre que quand c'est des concessionnaires qui leur envoient les voitures, ils leur font avoir le contrôle technique plus facilement que quand c'est des particuliers. Mais ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, enfin, en termes d'autonomie? C'est la toute-puissance des concessionnaires, mais c'est les concessionnaires qui nous vendent ces nouvelles voitures sur lesquelles tu peux même pas faire ta vidange toi-même parce qu'il faut que tu aies une valise électronique chez toi. Et bon, c'est pas un petit garage asso qui va lutter contre les concessionnaires, mais il y a... Enfin oui, si on veut aller vers vraiment une économie écolo, et c'est possible, et ça existe déjà, il faut juste nous donner les moyens qu'on se développe, qu'on soit pas juste à la marge. Parce que pour l'instant, c'est des gens qui habitent en camion qui roulent à l'huile. Mais parce que c'est que eux qui ont le temps dans leur vie, parce qu'ils ont choisi un autre modèle de vie, de se renseigner suffisamment pour aller chercher ces informations-là, et qui du coup viennent d'Ariège pour nous prendre de l'huile, pour réparer eux-mêmes leur camion, comme là, ceux qui sont actuellement dans l'atelier. Mais c'est pas normal que ça ne soit accessible qu'aux gens qui ont fait ce choix à la marge, quoi. C'est supposé être plus répandu que ça. Pour me rendre à mon bureau, j'avais acheté une auto, une jolie traction avant qui filait comme le vent. C'était en juillet 39, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois d'avoir une voiture à moi. Mais 20 septembre et je pars pour la guerre, 8 mois plus tard en revenant. Réquisition de ma 11 chevaux légère, Frankfurt-Botten provisoirement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète une moto, un joli vélo moteur faisant du 40 à l'heure. À cheval sur mon teuf-teuf, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Elle ne consommait presque pas d'essence, mais presque pas, c'est encore trop. Voilà qu'on me retire ma licence, j'ai dû revendre ma moto. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète un vélo, un très joli tout nickelé, avec une chaîne et deux clés. Monté sur des pneus tout neufs, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois d'avoir un vélo à moi. J'en ai eu coup sur coup une douzaine, on me les volait périodiquement. Comme chacun devalait le prix d'une Citroën, je fus ruiné très rapidement. Pour me rendre à mon bureau, Alors j'ai pris le métro, ça ne coûte pas très cher. Et il y fait chaud l'hiver, Almayenne et Marbeuf. Je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Hélas, par économie de lumière, on a fermé bien des stations. Et puis ce fut la ligne tout entière qu'on supprima sans rémission. Pour me rendre à mon bureau, j'ai mis de bons godillots et j'ai fait 4 fois par jour le trajet à pied. Aller-retour, les Tuileries, le Pont Neuf, je me gonflais comme un bœuf, fier de souffrir de mes corps pour un si joli décor. Hélas, bientôt, je n'aurai plus de godasse, le cordonnier ne se mêle plus, mais à ne me prudente et perspicace, pour l'avenir j'ai tout prévu. Je vais apprendre demain à me tenir sur les mains, j'irai pas très vite bien sûr, mais je n'userai plus de chaussures. Je verrai le monde de bas en haut, c'est peut-être plus rigolo, j'y perdrai rien par surcroît, il est pas drôle à l'endroit. Combien ça coûte l'huile Pour les adhérents, c'est 70 centimes. Et si tu la prends en grosse quantité, c'est moins cher, c'est 30 centimes. Les grosses quantités, comme ? Une tonne, au moins 1000 litres. Ouf. Non, mais ça part, on n'a pas assez pour fournir tout ce que les gens y veulent. Le truc, c'est qu'on n'a pas assez, ouais. C'est... Des gens, ils en veulent en grosse quantité, mais on ne peut pas fournir, on n'a pas ce qu'il faut. Qui c'est qui veut des grosses quantités comme ça? C'est des agriculteurs? Non, un mec, il vient de loin, du coup, il vient une fois, il prend, et puis il se barre avec, quoi. Ouais, ou certains qui ont leur chauffe-eau à l'huile aussi. Ouais. Mais on a beaucoup de gens qui juste conduisent, mais habitent pas dans une région où il y a du... où il y a un rhum à frites, ou... Faut acheter le truc, là, c'est l'embout. Ça peut te faire dérater à la voiture, il faut déjà commencer par changer ça. Du coup, il y a des adhérents qui viennent ici spécialement pour bricoler leur moteur, pour les rendre compatibles avec ces huiles? En ce moment, non, là, on ne le fait pas. Il y en a quelques-uns qui savent le faire, là. Il faut rajouter un réchauffeur d'huile, sinon. Mais bon, c'est un additif, quoi. C'est plutôt mélangé à l'huile. Alors lui, il vient d'acheter quoi? De l'huile. De l'huile qui a été filtrée, décantée, on la vend. Après, on dit que c'est de l'huile pour chaudière, c'est légal d'acheter de l'huile. Mais il y a un trou dans la loi, c'est compliqué. Ça veut dire, là, c'est l'huile que vous avez récupérée, ouais. Du coup, dans des petits restos? Ouais. On fait toutes les semaines, on a une tournée le jeudi et le vendredi. Et après, en fait, l'huile, on la récupère, on la filtre, elle décante 3 semaines. Il y a 2 filtres et après, on la vend. Et alors la collecte des huiles, comment ça se passe vous allez sur Toulouse, sur les communes, ouais, autour? Toulouse et 20 bornes autour. Ouais. Et alors, c'est vous qui contactez les petits... Les bouches à oreille, et puis là, c'est de plus en plus... Il y a... Le chiffon, il est où? Derrière, là. Ouais, non, c'est les restos qui nous contactent. Il y a encore un gars, là, il nous a vus. Et... En fait, les gros, ils veulent bien te les prendre, mais dès que t'as un petit resto, tes huiles, ils s'en foutent, quoi. C'était Coreva, apparemment ils ont coulé. Mais ouais, nous récupérons souvent les petits restos. C'est des petites quantités, du coup. Mais aujourd'hui, la restauration, ils ont tous un peu obligation normalement de... Ouais, bien sûr. Ouais. Sinon, tu peux les jeter dans le ruisseau. Ouais. Ouais, normalement, tu dois justifier. En fait, nous, on donne des bordereaux, c'est pour l'hygiène. Que justement, tu ne fous pas l'huile où tu veux. Et alors, il y a les grosses entreprises qui font du recyclage qui passent chez les gros producteurs, les grosses friteries, on ne va pas les citer. Hein, et les petits restos, vous en chargez. Alors, Roule ma frite 31, ici, à côté de Toulouse, à Ramonville. Vous êtes là depuis combien de temps? Il me semble que ça fait 5 ans qu'il est ouvert. Moi, ça fait 1 an que je suis là. Mais ouais, ça fait 5 ans qu'il y a Roule ma frite. Et à côté de ça, il y a le garage. Et alors, le garage, c'est quoi? Tu peux en 2 mots le décrire? Eh bien, en fait, tu peux faire ta méca tout seul, c'est ça qui est bien. Tu loues le garage et après, tu fais ce que tu veux. Et en fait, sinon, tu as le garagiste, il peut t'aider, mais c'est plus cher. Uh-huh. Mais après, c'est ça qui est bien, c'est que les gens, ils apprennent à faire leur mécanique, quoi. Comment t'es arrivé ici, toi, en tant que bénévole? T'es venu réparer ton camion? Moi, ouais, j'étais en galère avec mon camion, j'ai découvert le garage après le concert et je suis pas parti. Qu'est-ce que tu trouves ici que t'aimes bien? Bah, on s'entend bien avec les gens qui le dirigent. Et puis, je sais pas, ils vivent en communauté. Et à côté de ça, il y a le garage, du coup, c'est sympa. T'apprends les mécas. Pour l'instant, on fait la vaisselle et on se lave les mains quand on a trafiqué les voitures dans le même endroit. Et du coup, ça nous embête. Donc, on aimerait bien avoir un coin vaisselle propre à côté. Donc, on essaye de le mettre en place. Du coup, par chance, on a quand même tout un réseau de bénévoles. Du coup, on a une personne qui était là tout à l'heure, qui est plombier, qui va nous faire ça. Et en plus, on fait une grosse fête de soutien au garage le 11 mai, tout un après-midi où il y aura des activités. Il y aura une course de caddie, il y aura un chamboule tout géant, un loto où les chiffres du loto vont être dans une bétonnière qui va tourner grâce à un vélo. Il y aura un pôle tatouage. Bon, c'est surtout la course de caddie qui va être trop cool. Et à partir de 20h, on va faire des concerts. Et à partir de 2-3h du matin, ça sera des DJ. Et du coup, c'est une fête qu'on fait tous les ans, qu'on a déjà fait en mai dernier, et qui permet de rassembler un peu des sous pour faire durer le garage solidaire, pour avoir un peu du soutien. Et donc, du coup, on aimerait que ça soit prêt pour le 11 mai. Comme on est un garage un peu spécifique, ben, du coup, on est plus flexible. Je pense que d'autres garages, le fait par exemple que les gens ils puissent rentrer dans l'atelier pour venir réparer leur véhicule, c'est assez peu répandu. Ce qui fait que du coup, on peut aussi héberger les gens qui, par exemple, qui habitent dans leur camion. Il y a plein de gens qui habitent dans leur camion ou dans leur voiture. Déjà, souvent, ils sont trop gros, leur véhicule, pour rentrer dans les autres garages. Mais surtout, si la réparation dure plus d'une journée, ils ont besoin de continuer à dormir sur leur véhicule. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de garages qui acceptent de les laisser dormir sur le lieu. Donc, nous, on est aussi un lieu de vie dans ce sens-là. Et on a quelques bénévoles qui habitent en camion sur le lieu, qui sont de passage et qui repartent. Donc oui, on a une douche, une machine à laver. Donc, c'est aussi, y a aussi tout l'aspect vie du lieu qui doit être géré. Partage du frigo, partage des tâches ménagères, en plus de la vie du garage, ça simplifie. Il y a un plombier à la retraite, donc je mets mes compétences à disposition du milieu alternatif toulousain, et voire plus, des squats, etc. Voilà, enfin bref. Mais pourquoi déjà ici à Roule-Mafrit, ils n'ont pas les moyens de se payer un plombier à 72 euros de l'heure. Les squats, encore moins. Et voilà, et puis tous les gens qui sont RSA, même propriétaires qui sont RSA, ils n'ont pas les moyens de se payer un plombier ni un électricien artisan, quoi. Enfin, professionnel. Certes, je suis un professionnel, mais maintenant je mets mes compétences à disposition. Voilà, c'est tout. Gratuitement, du moins la manœuvre, quoi. Voilà. Mmh. Et je pense que c'est louable et qu'on devrait tous le faire, quoi. Mmh. Vu dans la société où on est, s'il y en avait un peu plus d'entraide dans la société actuelle, je pense qu'il n'y aurait pas tous les problèmes qu'il y a maintenant. Les gilets jaunes n'existeraient pas déjà. Quand on roule à l'huile, il faut être un peu mécano. Si tu roules à l'huile, il te faut une pompe à injection Bosch. Lorsque tu roules à l'huile, avant de rouler à l'huile, il faut soit surtarer les injecteurs, soit rajouter un kit de bicarburation. Dans tous les cas, lorsque tu commences à rouler à l'huile, c'est avec un véhicule qui marche bien. Donc pour ça, tu achètes un nettoyant injecteur. Et d'abord, tu mets ton nettoyant injecteur et après, tu roules à l'huile. Si tu n'arrives pas à démarrer proprement, si elle commence à brouter, tu arrêtes de rouler à l'huile. Les systèmes à injection directe, donc avec sans bougie de préchauffage, c'est pas bon. Donc du coup, tu risques de boucher ton filtre à huile quand tu roules avec un camion. Voilà, parce que ton huile de friture, elle se migre dans l'huile moteur. Et système d'injection indirect avec pompe à injection en ligne, c'est parfait. D'accord. Voilà, c'est ce que t'as. Bah ouais. Alors bientôt un évier pour se laver les mains. Et après la mécanique, vous utilisez le marc de café là, pour vous dégraisser? Oui, et on garde aussi le marc de café pour le jardin. On fait double utilisation pour attirer les vers de terre. Parce qu'on essaye aussi d'avoir des fleurs dans nos espaces. Ouais, bon, ça c'est pas évident parce qu'on a des chiens pas mal sur le lieu. Mais... Donc oui, on garde le marc de café. Mais on a juste à côté du coup la messe, qui est la maison de l'économie solidaire, où il y a tout un réseau de composteurs. Et donc du coup, on a des toilettes sèches qu'on va vider là-bas. Donc il y a comment dire, on est, nous on fait garage solidaire et récup d'huile, mais aussi, on est aussi enchâssés dans un réseau où il y a d'autres gens qui ont d'autres compétences et auxquelles on participe. Donc on récupère la ferraille par exemple qui va être utilisée sur la messe, donc la maison de l'économie solidaire qui est à côté, et eux récupèrent notre compost de nos toilettes sèches, nous fournissent en échange un sciure pour nos toilettes sèches. Donc c'est un... ouais. Tout un petit réseau. Il y a une recyclerie qui veut se fonder dans le lieu qui est juste à côté, là où on est en train de voir pour récupérer de l'eau pour faire notre coin vaisselle. Des gens qui réparent des vélos. À terme, nous, on aimerait que garder un espace dans le garage pour réparer aussi des vélos, quand on aura fini notre dalle en béton sur le côté. On manque pas de projet. On manque de sous. Vous êtes des salariés ici, du coup, si je comprends bien quand même. Absolument pas. Bienvenue dans le royaume du bénévolat 50 heures par semaine. Non, en fait, on est géré par une collégiale où c'est absolument que des bénévoles. Et tous les gens qui sont ici sont bénévoles. On a un salarié, c'est celui qui s'occupe du secteur huile, donc celui qui va faire les tournées pour récupérer l'huile dans les petits restos, puis qui va la filtrer et la revendre. Qui est à 20 heures par semaine, mais qui, je pense, en fait quand même un peu plus. On a un mécano qui est pro pour les réparations, mais qui est prestataire. Donc c'est la même chose, comme on est dans l'associatif, on avait besoin d'un mécano qui est quand même l'esprit aussi associatif, parce que vu qu'on est géré en associatif, on fait des réunions qui durent parfois 2-3 heures, et il faut aussi qu'on puisse dialoguer avec le mécano, donc il faut aussi qu'il soit d'accord de venir aux réunions, qu'on fait des chantiers collectifs, de prendre du temps aussi sur sa vie perso pour venir au chantier. Donc c'est particulier de travailler dans l'associatif quand même. Donc Patrick, il fait quand même beaucoup d'heures de plus que ce qui lui est payé. Et après, nous tous qui gérons le lieu, c'est en bénévole. Et pour la plupart, on est venu un peu parce qu'on voulait apprendre la méca. On apprend pas forcément que la même méca, on apprend surtout beaucoup l'organisation collective, l'administration, la compta, enfin toutes les choses pas sexy qu'il faut faire, quoi. Mais on essaie aussi de se garder des temps pour apprendre quand même la méca. Aussi dans l'idée... comme nous, on a trois forfaits et qu'il y en a un, c'est l'autonomie. Donc pour que les gens viennent et fassent eux-mêmes leur voiture, des fois, on essaie de mettre en place le truc où on a tout un réseau de bénévoles, on a la liste là. Ici, c'est un truc qu'on essaie de mettre en place. Les bénévoles qui ont des compétences et qui ont envie d'être dans ce réseau-là, ils nous font leurs fiches et ils nous disent leurs compétences. Ça peut être en méca, mais en d'autres trucs. Et donc du coup, quand il y a un adhérent qui vient et qui dit « Moi, je veux changer une rotule, je veux apprendre à le faire moi-même, mais je ne suis pas autonome », il peut aller lui-même piocher dans notre réseau de bénévoles, appeler la personne et dire « J'ai vu que tu savais faire de la petite méca, est-ce que ça t'intéresserait mardi à telle heure de venir m'accompagner pour que je sois autonome sur le truc ?» Et donc nous, qui gérons le garage, on est aussi là-dessus. Donc moi, je peux aider les gens à changer leurs pneus, faire leur vidange, plaquettes, disques, à la rigueur une rotule, être en soutien, même si je ne serais pas peut-être... je serais pas complètement autonome, mais... Et donc du coup, on essaye de se garder du temps pour se former, pour pouvoir aussi répondre. Parce que du coup, ça fait aussi baisser le prix de la réparation. Si la personne veut bien mettre le temps d'aller se renseigner, il y a des tutos sur Internet, etc. Et du coup, nous, on arrive juste en soutien pour que si ça merde, il y ait quand même quelqu'un. Donc voilà, ce que nous, on fait sur la structure. Donc il y a plusieurs formules. Il y a la formule autonomie. En gros, tu adhères à l'association et... Et tu loues l'espace en autonomie. Donc on a 10 euros de l'heure. Donc tu loues le pont plus les outils. Et après, on a la formule classique. Tu laisses la voiture. Patrick le fait. Enfin, Patrick ou un autre mécano, si on en a d'autres, à 40 euros de l'heure. Donc c'est un prix un peu standard, bas. Il y a d'autres garages dans Toulouse où ça doit être à 40 euros de l'heure. Et la formule assistée. Donc ça, c'est un peu l'entre-deux qu'on essaye de bricoler où... En gros, la personne est aux côtés de Patrick, donc c'est toujours 40 euros de l'heure, c'est le prix pour qu'on puisse payer Patrick pour son travail. Mais tu as le droit d'être dans l'atelier et lui, il va t'apprendre. Donc du coup, le problème, c'est que ça met forcément plus de temps, parce qu'il n'est pas tout seul sur la voiture, donc du coup, ça fait payer plus d'heures. De notre côté, bah, tu payes aussi l'apprentissage que tu as, le fait qu'aussi que tu aies confiance, parce que tu sais ce que le mécano il a fait. Et aussi le fait que si tu es un peu autonome, un peu débrouillard ou débrouillarde, peut-être que tout le remontage de la pièce que tu as démontée, tu pourras le faire toi-même. Et ça, du coup, ça fera un peu baisser le prix. Il n'y aura plus Patrick à tes côtés, toi, plus de mécano. Quand on parle du loup. Et voilà, donc organisation d'une fête de soutien le 11 mai, parce que justement... De soutien, de solidarité, et parce qu'on a besoin de se marrer aussi, de boire un peu, d'écouter de la bonne musique. Donc, pour celles et ceux qui sont disponibles le 11 mai, à partir de 14h, plein d'ateliers chouettes, à partir de 20h. Plein de concerts et de spectacles, et jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que le soleil se lève. Il y aura des pizzas, il y aura des frites. D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas marqué, tiens. Ah bah ouais. Pizza, frites, sandwich. Des frites. Bon, avec de l'huile. Avec de l'huile. Probablement, quoi. Pas de l'huile filtrée, on va pas jusque-là dans le recyclage. C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet.